la qualité correspond à la réponse pathologique, ce n'est qu'une cicatrisation fibreuse, c'est-à-dire que la phase ultime de l'inflammation. Hein, c'est en fait ça, le cirrhose. Donc, c'est une cicatrisation avec une activité régénérative nodulaire. Et on avait vu dans les hépatites chroniques que parfois il y avait des signes de régénération. Et donc, c'est une réorganisation qui est complètement anormale de la vascularisation du foie avec des chaînes artério-veineux. Quand j'ai fait mon premier cours sur les hépatites, j'ai fait un rappel histologique dans lequel je vous ai donné l'unité fonctionnelle du foie, qui était le lobule hépatique. Et chaque lobule hépatique sont équidistants par des espaces dans lesquels il y a le canalicule biliaire, la veine et l'artériole. Et donc, en fait, la cirrhose, c'est un syndrome inflammatoire, qui va finir par entrer sur ce processus de cicatrisation pendant toutes les inflammations, et puis une nouvelle réorganisation de ce parenchyme hépatique. Donc, sur le plan de la microscopie, quand on a une pièce de réflexion chirurgicale hépatique, eh bien, l'examen microscopique va permettre de voir la cirrhose qui est caractérisée par la taille et l'aspect général du foie. Donc, on peut avoir soit un foie qui est hypertrophique, soit un foie qui est atrophique ou alors qui est dysmorphique. On peut avoir un peu de tout suivant le temps d'évolution. Au départ, c'est hypertrophique, ensuite c'est atrophique et ça peut être dystrophique. La consistance, on n'est plus cette consistance moindre qu'on a vu dans certaines nécroses où il y avait hépatiques où il y avait des nécroses. Plutôt une consistance qui est plus ferme, qui est plus consistante. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la fibrose. Hein ? Comme il y a de la fibrose, c'est plus consistant que le lobule hépatique et cellulaire, où il y a des hépatocytes et de la vascularisation. Et évidemment, la taille du lobule, ça peut être des petits nodules, et à ce moment-là, je parle des cirrhosites nodulaires. S'il y a de grosses nodules, je parlerai du macro-nodulaire. Mais en fait, ce sont des nodules qui ont un diamètre qui peut être inférieur ou supérieur à 3 mm. Donc c'est compris entre supérieur ou égal à 3 mm. Voilà, sur l'aspect de macroscopie, vous voyez, donc là, j'ai une macro-nodulaire, une micro-nodulaire, là aussi, et puis vous voyez l'organisation, quand je fais ma tranche de section, je n'ai plus cette organisation hépatique, hein, donc une désorganisation totale avec des micro-nodulaires dans la taille qui dépasse ici, par exemple, là, la dépasse des 3 mm. Sur le plan microscopique, eh ben, c'est un bombardement d'architecture hépatique, d'architecture hépatique. Vous le versez, je n'ai plus ce nodule hépatique avec ces espaces forts qui sont équidistants, cet aspect hexagonal avec des lames hépatocytaires radiaires très jolies, avec une veine centrolobulaire au centre, etc., n'existe plus. Et donc, j'ai des lésions de dégénérescence et de régénération et de la fibrose. Hein, donc, je n'ai pas de nécrose, je n'ai pas d'infiltré inflammatoire comme dans les hépatites, mais j'ai de la dégénérescence, de la régénération et bien sûr, surtout de la fibrose. Et cette fibrose, c'est une fibrose qui est annulaire. Je vous ai dit comme des anneaux, et ça c'est ce qui donne la formation des nodules avec les nodules de régénération. C'est-à-dire que j'ai dit tout à fait au début, la dernière fois dans mon cours, qu'il y avait l'organe qui se régénérait le mieux dans l'organisme, c'était le foie. Donc il y a de nouveaux hépatocytes qui sont normaux, qui sont un peu ballonisés, hein, ils sont un peu vacuolisés, un peu ballonisés, et ce sont des nodules de régénération. Et bien sûr, sauf que ces hépatocytes ne vont pas se disposer en trame hépatocytaire, en trame hépatocytaire radiaire avec une veine centrolobulaire au centre, mais une disposition très irrégulière. Ils sont séparés par des bandes de fibrose. Et voilà. Et donc, ça va donner des nodules plus ou moins modifiés avec des amas de cellules dégénératives et des nodules de régénération. Et en périphérie, par contre, de ces nodules cirrhotiques, on assiste toujours à une néogenèse. Donc il y a des néo-vaisseaux qui sont canaliculaires qui sont disposés en périphérie. Hein, vous voyez ici sur le plan microscopique, ces nodules, hein, avec la fibrose, et vous voyez, il y a des nodules de grande taille, des nodules de petite taille. Hein, et là aussi, vous voyez, sauf que là, vous voyez quelque chose d'assez particulier. Vous voyez que les hépatocytes sont clarifiés, ils sont ballonisés, ils sont kératosiques. Et donc là, je répondrai comment. J'ai des nodules, j'ai une cirrhose, je suis sûre que c'est une cirrhose, là aussi c'est la même chose, donc c'est un trichrome NHES. Et là, ils sont un petit peu stéatosiques. Donc c'est une cirrhose post-hépatite. peut avoir donc de la biogénèse maniculaire en périphérie. Et bien sûr, parfois, dans cette aussi roche, tu peux avoir des testis d'espace forte, parfois des intralètes, des pressions citériennes, des citères, quand elles sont des cirrhoses post-hépatitiques. Donc, je peux aller trouver des séquelles post-hépatitiques. Donc, c'est des cirrhoses post-hépatitiques, parce que j'étais en train de vous montrer, cette cirrhose post-hépatitique, c'est quand tu trouves ces cellules typiques avec un grand de choix pour le dépistage et le diagnostic du carcinome hépatocellulaire qui permet d'en connaître dévisser les documents de petite taille qui sont le plus souvent asymptomatiques. Nous avons donc des lésions hypogènes, homogènes, et l'aspect le plus fréquemment observé. Et évidemment, quand on fait une échographie hépatique, on va toujours rechercher s'il y a des extensions veineuses, surtout au niveau portal, et puis les anales qui sont beaucoup plus avec des échographies. C'est-à-dire explorer un foie, un parenchyme hépatique, voudrait dire en sorte d'exploration de la vascularisation. C'est très important. Il faut explorer toujours par une échographie, c'est meilleur. Voilà, donc là, l'IRM, la SCAN, vous voyez la partie, nous avons des lésions. Là, il y a une masse, une image qui s'aggrave, la masse, les types d'échographies, bien circonscrites. Sur le plan anatomopathologique, suivant la classification de l'OMS, nous avons des tumeurs pré-critiques. Nous avons des tumeurs pré-critiques et nous avons des tumeurs secondaires au niveau du foie. Dans les tumeurs pré-critiques, nous avons bien sûr des tumeurs bénignes et des tumeurs malignes. Et la tumeur primitive bénigne la plus fréquente est la dénon, hépatocellulaire, qui est assez fréquente. Donc elle reste assez fréquente. C'est une tumeur générale secondaire, qui va aller de 2 à 3 cm. Donc elle est unique, de 2 à 3 cm, c'est le diamètre, donc elle va être très grande. Elle peut être enchâssée dans la tendon de l'hépatite, mais le plus souvent, c'est une dénon qui est visible à la surface. Elle soulève légèrement la surface du foie, donc il peut. Sur le plan microscopique, un adénopathie, c'est vraiment une architecture presque identique au foie. Nous avons des lames gravées régulières des adhésifs, sauf qu'elles sont monolithes ou le plus souvent stratifiées. C'est-à-dire, en fait, nous avons des doubles gravées. La veine de drainage, donc la veine centro-lobulaire, elle va vers la scène centro-lobulaire, à la seule distinction, donc il est très difficile, l'adénome hépatocellulaire, il est très difficile à distinguer du foie normal, et le seul élément, il y a deux éléments qui nous permettent de poser le diagnostic, bon déjà il y a des éléments cliniques et radiologiques qui vous disent qu'il y a une masse arrondie, hypoéchogène, qui fait 8 cm. Mais sur le plan histopathologique, c'est surtout l'absence d'espace porte et de canon biliaire. C'est ça qui fait qu'on pose le diagnostic d'adénome. Parce que je vous ai dit que les hépatocytes, elles sont sur des travées radiales. Elles vont converger vers la veine centro-lobulaire. Donc exactement qui va le lobule hépatique, lequel je fais sur le lien que je vous ai montré la dernière fois. C'est pratiquement la même chose. Sauf que, eh ben, il n'y a ni espace off ni canal biliaire. Donc c'est l'élément clé qui fait que je vais vers le diagnostic d'adénome hépatocellulaire. Est-ce que c'est clair? C'est pareil. Donc deux éléments de distinction, absence à aucun endroit, en aucun endroit, c'est-à-dire nulle part dans cette prolifération arrondie, on retrouve l'espace off et le canal biliaire. Absence de canal biliaire, absence d'espace de off. Est-ce que c'est un objet de régénération post-hépatique ou alors c'est une adénome hépatocellulaire? Voilà, c'est aussi à le fond. Nous avons aussi l'adénome biliaire, vers les branchages, Nous avons aussi l'adénome biliaire qui est une tumeur solitaire, qui est une tumeur d'âge moyen habituellement dans le bloc 3. Ça va être arrivé quelques centimètres. Et l'aspect de 6 adénomes biliaires, c'est un aspect multiloculaire et qui retient à matériel nucléaire. Donc c'est un aspect multiloculaire, c'est cystique. Dans les 6 adénomes, ça veut dire que c'est une formation tumorale qui est cystisée. Donc elle ne peut être que multiloculaire. Donc les 6 adénomes et l'adénome, c'est cet aspect macroscopique déjà. Quand je coupe, cet aspect de plusieurs cavités multiples. doit toujours s'inquiéter d'une chose dans les thérapeutes. La maturité de ces tissus. Donc, plusieurs tissus. Vous avez fait la pneumonie. Oui. Je suis la pneumonie, donc je fais des latents maturés et immatures. Non, les tumeurs. Dans les thératomes, qui sont des tumeurs, donc des tumeurs dans lesquelles elles sont faites de plusieurs tissus, on peut avoir de l'os, du cartilage, du tendon, du épithéliaque. Et puis, il faut distinguer si tous ces tissus sont matures, c'est-à-dire qu'ils arrivent à l'infecter, donc ça veut dire que c'est bénin. Il n'y a pas de complications, mais ça par contre, si l'un des composants dans ces tissus-là n'a pas atteint sa maturité, donc il est immature, à ce moment-là, on parlerait d'immature avec une augmentation immature. Et ça rentrerait dans un autre contexte où la surveillance et le traitement sont impératifs. Donc, il y a tout type. Vous voyez, dans le fond, on peut avoir tout type de tumeurs bénignes, dans les tumeurs bénignes. Et là, la mucopathe aussi, vous allez bien contenir. Et sa caractéristique, c'est la santé, pas que l'espace porte les maladies bénignes. Et bien sûr, aussi, ça dénomme bénignes, qui a pratiquement la même formation, sauf qu'il a un aspect multiculturel avec des problèmes les tumeurs malignes, on avait parlé tout à fait au début, on avait parlé de l'hépatite. J'ai dit que l'évolution des hépatites pouvait aller vers le carcinome hépatocellulaire, donc c'est un carcinome. Et les pathocarcinomes, bénignes peut-être, non? Et le plus important, donc c'est une tumeur qui est unicellulaire, plus ou moins limitée, rarement carcinée, nodulaire, massive. Et bien sûr, l'aspect de ces carcinomes hépatocellulaires varie énormément avec la taille. Donc on peut avoir des petits carcinomes dans le diamètre inférieur à 5 cm. En règle générale, ils sont homogènes, donc ils sont uniques ou multiples. Dans la taille, ils sont inférieurs à 5 cm. Donc, ils peuvent être d'aspect de couleur beige, voire verdâtre, en cas de bilisecrétion. Donc s'il y a beaucoup de sécrétion biliaire, ils deviennent verdâtre, en principe, ils sont beige. Contrairement aux métastases qui sont le plus souvent blanchâtre. On trouve une section hépatique, on voit plusieurs mots. Est-ce que c'est un hépatocarcinome? Est-ce que c'est un métastase? Généralement, les métastases sont des couleurs blanchâtres, elles sont plus dures. Par contre, l'hépatocarcinome, c'est de consistance ferme et de couleur beige. Alors, beige, c'est pas blanc cassé, hein. C'est beige, c'est pas gris. Parce que le blanc cassé peut être beige. Et puis bien sûr, parfois, on peut avoir des personnes plus hétérogènes, qui sont plus hétérogènes, c'est consistance. Et puis, on peut avoir aussi une telle polygraphe, la polygraphe est complètement différente. Est-ce que vous avez la nuance de polygraphe, de couleur polygraphe? Il y en a ni rouge ni vert ni blanc. On voit quand il y a des anamalias, le renouvellement, les petits colis peuvent être noirs, marches, hémorragiques, rougeâtres, les vertes. Troisième année, il traitait sous la pathologie. pathologie tumorale et vous avez fait le stroma tumoral. Et dans le stroma tumoral, vous avez dit qu'il y avait plusieurs types de stroma. Donc il y a le stroma qui est c'est l'élément nourricier de toute tumeur. Il y a le stroma adaptatif, il y a le stroma conjonctif, il y a le stroma sclérotique, dans lequel il y a beaucoup de fibres, il y a des très fibreux, et ça va donner une consistance dure. Donc la forme sclérose, carcinome et hépatocellulaire, c'est quand il y a donc un stroma qui est fibreux. Donc si je vous dis j'ai un nodule qui fait moins de 3 cm, qui est de couleur beige, qui est fait dans le tissu conjonctif, le stroma tumoral et fibreux, ça répond à un carcinome hépatocellulaire de type trabéculaire ou pas de type sous-fibreux, vous direz sous-fibreux. Alors que le type trabéculaire, les cellules tumorales, elles vont se disposer suivant des sinusoïdes ou des travées, des sinusoïdes limitées par un antipédeur plat, et on a une épaisseur variable. Donc c'est des sinus, un aspect traviculaire ou sinusoïdal. Sinusoïdal, traviculaire, c'est la même chose. Donc c'est des cellules tumorales qui sont disposées en lame, épaisseur variable, limitées par un antipédeur aplati. Donc si je dis que j'ai une disposition des hépatocytes, des cellules tumorales en lame, séparés de sinusoïdes, ce sont des petits vaisseaux, avec un endothélium. L'endothélium, c'est la cellule de revêtement du vaisseau, qui est l'endothélium, et qui est aplati. Et l'aspect sclérose, vous avez un chromatograph qui est fibreux. Nous avons un type compact de la structure trabéculaire de base, qui est la macrone évidence. Et puis le type pseudo-gonvillaire qui réalise les dilatations sinusoïdales. Des foyers de nécrosion grave au sein des massifs cellulaires compacts. Donc, ça fait un aspect pseudo-tumoral. Qu'est-ce que ça veut dire pseudo-tumoral? C'est un massif, on a l'impression qu'il est creusé, le nécrose au centre, ça donne un aspect de glande, mais de pseudo-glande, parce que ce n'est pas une vraie glande. Donc, ça fait un aspect pseudo-glandulaire. Et là, vous avez ici un aspect trabéculaire. Vous voyez des lames, ce sont des vaisseaux variables, les cellules, elles sont en bord. Elles sont en bord avec l'endothélium aplatique avec sinusoïdal. Donc là, du coup, c'est une lame faite de cellules hépatocytaires. Et vous voyez, vous avez mis une autre lame d'hépatocytes et elles sont séparées par, si vous voulez, cellules endothéliales, les vaisseaux faits de cellules endothéliales. Et puis là, c'est là, on a des aspects de spéatome aussi. Donc, on peut les avoir. Donc là, j'ai une architecture trabéculaire avec des cellules de type hépatocytaire. Donc, on a pas tous la même. Vous voyez ici, il y a plus des mitoses et des cellules de fond de taille et tout. Et c'est là, il s'agit vraiment d'un carcinome hépatocellulaire de type. Les tumeurs secondaires, donc j'ai fini le cholangiocarcinome, je l'ai cité tout simplement, mais je n'ai pas donné les aspects de cerveau, ça ne sert à rien. Donc retenez surtout l'aspect des carcinomes hépatocellulaires, c'est important, l'aspect de l'adénome et de l'adénome. Et dans les tumeurs secondaires, je peux avoir plusieurs formes sur le corps microscopique, soit la forme modulaire et la plus. Et bien sûr, à l'exception du mélanome, qui lui pourrait donner des métastases pigmentées marron ou noir. Parce que ça donne des métastases de couleur blanchâtre et bleue. C'est métastases. Quand j'ai du marron ou noir, je ne sais pas si je suis devant un CHC polychrome ou un mélanome. C'est le seul cas où je voudrais la question. Marron, alors là, marron, bien marron, je pense que je vais le faire. On peut avoir aussi la forme diffuse intracellulaire qui est rare, qui va réaliser des matériaux. C'est pas en détail, mais on peut aussi mettre les formes oxydatives qui sont en l'air. On peut avoir un carcinome secondaire, pas de l'emballage et fini. Avec toute sa pathologie. Merci. J'espère que vous avez bien entendu. Vous avez des questions, vous pouvez toujours me poser des questions. J'espère que vous avez bien entendu. هادي شو؟ ما عنديش كارطة بالولد. لا بيبليون طيب.